ce qui m'est manqué, c'est celle-là remet sur mes joues. Ce qui m'est manqué, c'est son souffle dans mon cou. Ce qui m'est manqué, c'est quand elle me disait nous.